Salut à toutes et tous, la tribu. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour la 38e Vampire Freaks chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Merci d'être de plus en plus nombreux chaque semaine à suivre cette émission. Merci, merci à vous. Au programme cette semaine, punk, ska, rock, rock alternatif, metal symphonique et reggae. On commencera avec Motley Crue et Louder Than Hell, c'est sur l'album Theater of Pain, sorti en 1985. On peut entendre aussi City Boys Blues, Home Sweet Home et Save Our Soul, entre autres. On poursuivra avec Our Day Will Come d'Amy Winehouse, c'est sur un album posthume, Lioness and Hidden Treasures, sorti en décembre 2011. On retrouve aussi Between the Cheats, Light Smokes et Body and Soul en duo avec Tom Bennett. Je passerai ensuite Top Control d'Israel Vibration, c'est sur Unconquered People, sorti en 1979. On peut entendre aussi Give I Grace, Mr. Tax, Mr. Tax, Mr. Taxman et We Are the Rasta. Notamment. La semaine dernière, j'ai fait une dédicace à tous mes amis animateurs radio, mais j'en ai oublié un, et pour cause, on n'a mis que depuis peu. C'est Will, du PMR, Punk Metal Rock. Alors, comme les vampires, ils n'ont qu'une parole, je te dédicace Cardinal Sin de Powerwolf. C'est sur l'album Preachers of the Night, sorti en 2013. On retrouve aussi Secrets of Sacristy, Crossfire, Lost for Blood. Et je voulais finir avec une autre dédicace à Pierre qui nous écoute toutes les semaines au Puy-en-Velay via archive.org. Alors pour toi, fidèle auditeur, on s'écoutera Tostaki en live de Noir Désir. C'est sur l'album En Public sorti le 19 septembre 2005. On peut entendre aussi One Trip My Nose, Les Écorchés et À l'arrière des taxis. Time you was a bullet in the head to be brave. Some like gave all. Well, No. diable. Prends la pluie de sagesse. Fourrie sur le trottoir. Notre mère la terre. Éteignez-moi. Qu'ils ont compris qu'il n'y a plus le choix, que l'esprit qui souffle guidera leur pas, qu'arrive le dernier temps où nous pourrons parler. Alors soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien, soyons désinvoltes. Soyons l'air de rien. Soyons des amants. N'ayons l'air de rien. Soyons des amants. N'ayons l'air de rien. Yeah. Yeah. Vous êtes toujours dans la 38e Vampire Freak sur votre radio favori qui était c'est Spike qui débarque dans votre salon. On continuera en live avec You Drive Me Wild des Runaway. Le premier groupe de Lita Ford, c'est un groupe 100% féminin. Et là, c'est du live au in Japan, donc au Japon, en 1977. On retrouve aussi California Paradise, Getting Hot, American Night, entre autres. À la même époque que Motley Crue, il y avait aussi Skid Row. Ils s'aimaient pas bien, mais bon, vu que la Vampire Freak on est tous une grande tribu, alors je passerai Piece of Me de Skid Row. C'est sur l'album Skid Row, sorti en 1989. On retrouve Big Guns, Rattlesnake Shake et I Remember You notamment. Et si on s'écoute un vieux reggae, ça vous dit ? Alors je diffuserai Feel Free de Toots and the Metal. C'est sur l'excellent Pass the Pipe, sorti en 1979. On peut entendre aussi Inside Outside, Rhythm Down Low, Get Up Stand Up notamment. Et si on faisait péter un coup de hoï, alors je diffuserai Coquillette d'Hors Contrôle. C'est sur l'album Hors Contrôle, sorti en 2000. On peut entendre aussi Tolérance, Résiste et Merci K.O. Et on finira ce bloc en live avec Black Sabbath et Even and Hell du live Even and Hell de 1980. C'est le premier album où Ronnie James Dio remplace Ozzy Osbourne au chant. Et on retrouve aussi Neon Knight, Wishing Well et Die Young notamment. Yeah.

Thank you. Vous êtes toujours dans le 38e Pimp Afrique sur votre radio favorite et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Alors on vient de s'écouter You Drive Me Wild en live des Runaways, Piece of Me de Skid Row, Feel Free de Toots and the Metal, Coquillette de Hors Control et Even Hell de Ben Savaza. Ça vous dit un Nina Again en live? Ça tombe bien moi aussi. Ce sera le grand classique African Reggae. C'est du live à Toulouse en 1983. On peut retrouver Future Is Now, The Change, Smack Jack, entre autres. Vous savez, la Vampire Freaks, c'est des vieux poètes, comme on dit chez nous, mais c'est aussi des nouveautés. Là, on va se faire deux nouveautés à la suite. Toi et moi, des Vampasses. C'est sur l'album Les Vampasses font la gueule de 2014, le 11e album studio des Vampasses. On peut entendre aussi Je voudrais, Les lesbiennes bavaroises et la célèbre C'est pas moi qui suis trop vieux, votre musique c'est vraiment de la merde. Là je suis d'accord avec toi Didier. Et on poursuivra avec American Valhalla d'Iggy Pop, cet extrait du nouvel album Iggy Pop Post Depression qui sortira dans 15 jours. On peut entendre aussi Break Into Your Heart, Vulture et Chocolate Drops. Si on se partageait du brutal avec un goût de pomme. Ce sera Born Treacherous de Dimmu Borgir, c'est sur l'album Abracadabra, sorti en 2010. On peut entendre aussi Getaway, Chase with the Abyss et Ritualist que j'adore. D'ailleurs, j'adore tout l'album. Les clips sont bien gore, enfin bref, top. Si vous êtes curieux, allez faire un tour sur la page Facebook, YouTube de Dimmu Borgir. Et on finira ce bloc en live avec Placebo et Bionic. C'est du live à Paris en 2003. C'est un excellent live. On peut entendre aussi Black Eyed, Protect Me en version française et Special K. Yeah. In the balance, toi et moi. C'était dans le port. Toi et moi. Oh, on s'aimait encore. Toi et moi, on est comme on dit, plus heureux que la théorie. Toi et moi, le petit roman. Toi et moi. Toi et moi, ça sera un dollar. Le crépuscule des dinosaures. Toi et moi, la vie à la mort. Toi et moi. Oh, oh, toi et moi. Yeah. I've nothing but my name. I've nothing but my name. Oh,

Vous êtes toujours dans la 38e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. Là, on vient de se faire un bon bloc, là. African Reggae, Long Live de Nina Again, Toi et Moi en nouveauté des Vampas, American Valhalla en nouveauté encore des Iggy Pop, Born Teachers de Dimmu Borgir et l'excellent Bionic Live. On continuera cette émission avec les Cure en live et Let's Go to Bed. C'est sur l'European Tour de 1985. On peut entendre aussi Kyoto Song de Walk et Close to Me, entre autres. Je diffuserai ensuite Un Onze à ma table d'Indochine. C'est sur le superbe République des Météores, sorti le 9 mars 2009. C'est le 11e album studio d'Indo. On retrouve aussi Junior Song, Playboy et une superbe reprise de Je t'aime tant d'Elie Jacquenot. Mais les parties chantées sont inversées. C'est Nico Sirkis qui chante les parties du texte qu'Elie chantait à l'époque et une fille qui reprend le texte de Jacquenot, donc du grand Indochine. On poursuivra avec les Fatal Picard et Je suis un vaurien, c'est sur le génial Droit de veto sorti en 2005. On peut entendre aussi Schizophrène, tu vas trop vite, Goldorak est mort et Parkinson le glas. Je passerai ensuite un bon vieux Dillinger, Natty 10 to 1, c'est sur l'album Ready, Natty Dready de 1976. On retrouve aussi Babylon Fever, Killer Manjaro, Jamaican Collie. Et on finira ce bloc en live avec un bon métal symphonique, Therion et Blind of King You. C'est sur le Celebrators of Beaconing, sorti en 2006. On peut entendre aussi sur ce double album Seven Secrets of Sphinx, Uttar Kruna et Invocation of Nama. This is called Let's Go to Bed. We'll be right back.

Je me suis dit mec, sex pistol. Qui me dira quoi? Comment que c'est que ça marche? Moi j'entrave que dalle, j'ai des derniers au clash. J'suis un vaurien, ce qui n'est de rien. J'fais des bastons, je suis copon. À cause du sorcier en mort, j'en volais les grands-mères, je piquais au gâteux. Mais on ne fait pas d'omelette, ouais, sans casser du vieux. Mais un jour devant là, la télé d'une vieille bique, j'ai trouvé ma lumière, le patinage artistique. Oh, oh, oh, c'est vraiment beau. Ah, ça fait rêver. Les ensembles fluo. Les juste encore pailleté. J'ai troqué mes rojos noirs pour faire mon patinoire. Vendu mes soins d'un nourrice pour enfin faire ma guise. La la la, avec Pierre Fulan. La la la, et pendant les soirées. Yeah yeah yeah, le guichet d'aide. J'attache mon slip, Katarina vite. Encore encore, des sommes en fort. La la la la, accordé l'euro. Lo lo lo, trophée Mico. Je patine à la croix, 8-6-8-6-0. J'suis un patinage, God save the Queen, on voit l'idée on ice. Nos futurs sont triple loose piqué. L'anarchie, c'est un double accélératé. Je suis un moyen, la double bouche, la fait pas rien. Je fais du patin, je vais t'en faire un. Ah, oi, oi, oi, oi, l'idée on ice. Ah. They say this race is not water swift, not a water strong. But if you don't got sweet, you can't succeed. You know you're sweet, y'all. But not the 10-1 in a Babylon. And not the 10-1 in a Babylon. From Jerusalem down to Jericho. Did not he walk with a black princess? They did not he talk with a black princess? They did not the trouble with a black princess. Gonna be 10-1 in a Babylon. Then him 10-1 in a Babylon. Say 1-1 in a Zion. And we say 10-1 in a Babylon. Yeah. And with them Serasta, I and I a sight of full dread. I and I princess well dressed. Yeah. Sound each and every hour would show up. Say 10-1 down in a Babylon. 10-1 down in a Babylon. 1-1 down in a Zion. Mount Zion, Mount Zion. Sound I would show every hour. Sound is called not the black princess. She would show little interest. Cause some would be the best, yeah. Sound is called not the 10-1. I would think you might have handled the land too great. But I went up to Basco Bell to check Gretel. She cannot read, now she cannot spell. So go to hell, Gretel. Move ya! Go break Satan, spell long a hell. Because you cannot read, now you cannot spell. So I wish you well, you better go to hell. So go to hell, Gretel. To break Satan's spell. I went to Rasta. 10-1 down in a Babylon. 10-1 down in a Babylon. Did not the trouble with the black princess. I would man a step into Rasta. I would go to Jerusalem. Shady how you feel. And I talk to you like me Rasta feel. Yeah. Come and say 10-1 down in a Babylon. Yeah. Inside your vein, the power of the dead.

diputados, consejeros de administración, todos cogiditos de la mano, vamos a pillar del erario popular. A pillar del erario popular. ¿Algún problema, amigo? Garrapatas, sanguijuelas, chupasangres de gobernación, todos cogiditos de las patas, vamos a pillar del erario popular. Walking on the moon. We could.

On vient de s'écouter Je me barre de Kenny Arcana, Alibaba de Scapé, Walking on the Moon de Police, Cheated des Slakers, et on a fini en live avec Back to the Primitive. Cette 38e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi sur cette antenne radio. A bientôt pour une prochaine Vampire Freaks. On finira cette émission avec un morceau qui fait 7 minutes 22. Il s'agit d'Exodus de Bob Marley and the Wailers. C'est aussi le titre de l'album sorti le 3 juin 1977. C'est le 4e album de Bob. On peut entendre aussi Natural Mystic de Heaton, Waiting in the Vein. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Et n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu! Movement of your people. Ouais.